50 languages. 45. 45. 45. في السينما. Au cinéma. Au cinéma. نريد الذهاب إلى السينما. Nous voulons aller au cinéma. Nous voulons aller au cinéma. اليوم يعرض فيلم جيد. Aujourd'hui, il y a un bon film. Aujourd'hui, il y a un bon film. الفيلم جديد تماما. Le film est tout nouveau. Le film est tout nouveau. أين شباك التذاكر؟ Où est la caisse? Où est la caisse? هل هناك مقاعد شاغرة؟ Y a-t-il encore des places de libre? Y a-t-il encore des places de libre? كم تكلف تذكرة الدخول؟ Combien coûtent les billets d'entrée? Combien coûtent les billets d'entrée? متى يبدأ العرض؟ Quand commence la séance? Quand commence la séance? كم يدوم الفيلم؟ Combien de temps dure le film? Combien de temps dure le film? أيمكن حجز بطاقات دخول؟ Peut-on réserver des billets d'entrée? Peut-on réserver des billets d'entrée? أريد أن أجلس في الخلف. Je voudrais une place à l'arrière. Je voudrais une place à l'arrière. أريد أن أجلس في الأمام. Je voudrais une place à l'avant. Je voudrais une place à l'avant. أريد أن أجلس في الوسط. Je voudrais une place au milieu. Je voudrais une place au milieu. كان الفيلم مشوقا. Le film était captivant. Le film était captivant. لم يكن الفيلم مملا. Le film n'était pas ennuyeux. Le film n'était pas ennuyeux. لكن كتاب الفيلم كان أفضل. Mais le livre était mieux que le film. Mais le livre était mieux que le film. كيف كانت الموسيقى؟ Comment était la musique? Comment était la musique? كيف كان الممثلون؟ Comment étaient les acteurs? Comment étaient les acteurs? أكانت هناك ترجمة حوار الفيلم بالإنجليزية؟ Y avait-il des sous-titres en anglais? Y avait-il des sous-titres en anglais?